بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله للوانجة الله سبحانه وتعالى qui nous permet de continuer inshallah l'explication de ce texte الأصول الثلاثة. Nous avions donc lors du dernier cours expliqué le deuxième niveau du second fondement, donc le deuxième niveau, al-iman, du second fondement qui est la connaissance de l'islam. Donc le cheikh avait expliqué que al-iman est donc composé de plusieurs branches, comme ceci a été mentionné dans le hadith du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, disant que la foi est composée de bid'a. Bid'un wa sab'un shu'ba, de 73 à 79 branches. Donc la foi est composée de 73 à 79 branches, dans une autre version de 63 à 69 branches, dont la plus haute est la parole la ilaha illallah. La moindre, le fait d'enlever un obstacle, quelque chose de gênant, de la route. Et la foi est une branche parmi les branches de la foi. Donc de ce hadith-là, on tirait beaucoup de leçons. La première, c'est que al-iman est donc quelque chose de complexe et non pas de simple. En réponse au Jahmiya, les suiveurs de Jahm, Ibn Safwan, qui disent que al-iman c'est at-tasdiq, la croyance intérieure et rien d'autre. Alors que ce hadith mentionne bien que la foi est composée. Donc elle est composée de plusieurs branches. De branches en lien avec la parole, comme la ilaha illallah, d'autres branches en lien avec le corps, comme le fait d'enlever un obstacle du chemin des gens, et d'autres branches en lien avec le cœur, comme c'est le cas de al-haya, la pudeur. Ensuite, ces branches ne sont pas du même niveau, en réponse au khawarij. Donc les branches sont équivalentes. Lorsqu'il y a disparition d'une branche, il y a disparition de la foi dans sa globalité. En revanche, pour Al-Sunna ou Al-Jama'a, les branches ne sont pas toutes du même niveau. Le hadith l'indique, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam dit « La plus haute branche est la parole la ilaha illallah ». C'est une branche dont la disparition implique la disparition totale de la foi. La moindre branche, et le fait d'enlever un obstacle de la route, la disparition de cette branche n'induit en aucun cas la disparition de la foi. Al-haya, kadhalik, qui est la pudeur et qui est une obligation, sa disparition n'implique pas donc la disparition totale de la foi, mais en tout cas impliquera donc un niveau en deçà de l'obligation, de la complétude obligatoire. Donc la foi chez Ahl Sunnah al-Jama'a est composée d'abord d'un asl, d'une base. La base de la foi. Base sans laquelle la personne ne peut être musulmane. Et cette base-là est concrétisée par la personne donc qui prononce la shahada, la ilaha illallah, et qui applique donc muqtada shahadatayn, les implications de la shahada, et qui ne fait pas donc un acte annulatoire de l'islam. Donc c'est la définition du musulman que nous avions donnée dans des dourous précédents. Donc le musulman, la personne peut être qualifiée comme musulmane si elle comporte au minimum aslul iman, la base du iman. Si cette personne ensuite fait les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala et délaisse ses interdits, cette personne-là donc pénètre dans un niveau qui est al-kamal ou al-wajib, la complétude obligatoire. Et si cette personne donc continue dans le cumul d'œuvres du bien, et notamment des œuvres surérogatoires, tout en délaissant al-makruhat, les choses détestables, cette personne entre dans un autre niveau qui est al-kamal ou al-mustahab, la complétude recommandée. Et chez Ahlu Sunnah al-Jama'a, ces deux niveaux-là, donc les gens ayant concrétisé al-kamalu al-wajib ainsi que l'autre catégorie, donc qui est supérieure, qui sont les gens ayant concrétisé Al-Kamal ou Al-Mustahab, bihawlillahi wa rahmatih, dans l'au-delà, entre au paradis directement, sans séjourner au préalable dans le feu de l'enfer. En revanche, si le musulman fait des grands péchés, ou bien délaisse des obligations, il passe en deçà du Kamal Wajib. Il passe en deçà du Kamal Wajib. Donc la personne faisant des grands péchés n'est pas un kafir, comme c'est le cas des Khawarij, et il n'est pas non plus dans un niveau intermédiaire, un niveau entre deux niveaux, donc entre l'islam et la mécréance, comme disent Al-Mu'tazila, même s'ils sont en accord avec les Khawarij sur le fait qu'il s'éternisera en enfer. Mais pour Ahlus Sunnah al-Jama'a, on dit qu'il est mu'minun bi'imanihi, qu'il est croyant de par sa foi, donc aslul iman, qu'il détient toujours, alors que la foi obligatoire, il l'a perdue, comme le dit le prophète alayhi salatu wassalam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, le fornicateur lorsqu'il fornique, il ne fornique pas tout en étant croyant. Donc le prophète alayhi salatu wassalam a rejeté le fait que le fornicateur est croyant. Quelle croyance? La croyance obligatoire. Lui permettant dans l'au-delà, bihawlillahi azza wa jal, et par sa miséricorde, d'entrer directement au paradis. Donc le fait qu'il fornique, on dit donc qu'il est croyant par sa foi, donc la base qu'il possède toujours, fasiqun bikabirati. Mais c'est un pervers, un fasiq, de par son grand péché. Donc pour Ahlus Sunnah al-Jama'a, le fornicateur n'est pas un mécréant, c'est un fasir. Celui qui mange les intérêts, de même, n'est pas mécréant, mais est un pervers. Le voleur, al-qadhif, lil-muhsanat il-mu'minat, celui qui accuse de manière infondée les croyantes, shahidu zur, celui qui fait le faux témoignage, aql walidain, celui qui désobéit aux parents, et autres. Ces gens-là, toutes ces catégories de personnes, donc faisant des grands péchés, délaissant des obligations, entrent donc dans cette catégorie de personnes, gardant aslul iman, tant qu'ils ne disent pas que ce péché qu'ils font est halal. Donc ici, il y a conditionnement de l'istihlal pour qu'ils sortent de l'islam, et tant qu'ils n'en restent qu'à l'acte, ils ne sortent pas de l'islam. Ils ne sortent pas de l'islam. Donc ça c'est Al-Iman en résumé. Et Al-Iman chez Ahlus Sunnah, sa définition de base, comme on dit beaucoup de salaf, qawlun wa amal. Il est composé de paroles et d'actes. Quand on dit paroles, c'est paroles intérieures, paroles du cœur et paroles extérieures de la langue. Et actes, actes intérieurs du cœur et actes extérieurs. Et nous avons insisté de nombreuses fois qu'il y a interdépendance entre l'intérieur et l'extérieur chez Ahlus Sunnah. Donc une personne prétendant la croyance en Allah, aux anges, aux livres, aux prophètes, au jour dernier, à la prédestinée, bonne ou mauvaise, prétendant aimer Allah subhanahu wa ta'ala, le craindre, s'en remettre à lui, doit obligatoirement prouver cela par les actes. Cette croyance-là, si elle est véritable et existante, comme il est demandé par Allah subhanahu wa ta'ala, les actes doivent apparaître obligatoirement sur le corps. Et donc une croyance intérieure avec une mécréance extérieure, ce n'est pas possible. Allah subhanahu wa ta'ala, au début de Surat al-Baqarah, donc a défini les trois catégories existantes dans l'humanité. La première, les croyants intérieurs et extérieurs. Al-Mu'minun. La seconde, Al-Kuffar, les mécréants intérieurs et extérieurs. Donc les mécréants extériorisant leur mécréance. La troisième catégorie, ce sont les munafiqoun, ce sont les hypocrites. Donc, extériorisant les actes de la foi, mais qui n'en sont pas, car ils ne prennent pas source dans les actes de la foi. Et ils intériorisent la mécréance. Donc, les deux dernières catégories sont mécréants. La première de ces deux catégories, donc al-kuffar et son mécréance, c'est clair, car ils extériorisent leur mécréance. Al-Munafiqoun, ils ont le statut auprès des gens qui ne connaissent pas donc l'invisible. Ils ont le statut de musulmans. Ils sont mécréants auprès d'Allah et dans l'au-delà. Et dans ce bas monde, tant que leur mécréance n'apparaît pas sur la langue ou le corps, nous ne pouvons les juger comme étant mécréants. Donc leur sang est protégé, ainsi que leur bien. Et donc même s'ils meurent, nous ne connaissons pas l'intérieur des gens, donc nous les lavons, prions sur eux, les enterrons avec nous. Et natarahamu alayhim, on dit rahimahumullah, car on ne sait pas qu'ils sont véritablement mécréants. Donc aujourd'hui nous entrons, inshallah, dans le troisième fondement, al-martabatu thalitha, al-aslu thalith, le troisième fondement. يقول الشيخ رحمه الله الشيخ دي رحمة الله عليه معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم la connaissance de votre prophète محمد صلى الله عليه وسلم donc ici le Cheikh dit المعرفة nous avions déjà parlé de la ma'rifa législative. La ma'rifa législative. Mais est-ce que c'est celle-ci que vise le cheikh ici, dans ce fondement-là? Non, là c'est la ma'rifa en termes de connaissance, connaissance du cœur. Car ce troisième fondement-là, il se différencie donc de la connaissance du prophète alayhi salatu wa salam, vu auparavant, qui impliquait obligatoirement l'acte. Là c'est une ma'rifa, donc ilmiya, scientifique, une connaissance simplement d'information que le musulman est censé connaître. Là, on ne parle pas de l'acte ici. Le shir, ici, il parle donc de certaines informations en lien avec le prophète alayhi salatu wa salam que, en apparence, selon ce paragraphe-là, nul n'est censé ignorer. Ce qui n'est pas le cas, on verra qu'il y a des choses recommandées. Il y a des informations ici que même si on ne les connaît pas, on n'est pas mécréant. Sinon, là, le 99% de la Oumma est mécréante si on applique ça. On croit que ces choses-là sont toutes des piliers dans la foi. Donc ici, il va nous parler d'informations sur le nom du prophète, alayhi salatu wassalam, sur sa lignée, sur sa vie, où est-ce qu'il a vécu, etc. Toutes ces choses-là, donc ce sont des informations. Donc ce qui est demandé, c'est de croire en ces informations-là. Donc la ma'rifa ici, c'est une ma'rifa linguistique que vise le shir. Wallahu a'lam. Donc le shir dit la connaissance de votre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc Cheikh Al-Uthaymin dit أي من الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه. Donc il dit donc parmi les trois fondements qui sont obligatoires pour la personne de connaître, c'est donc la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sa religion et de son prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Et il dit donc les paroles concernant la connaissance du Seigneur ainsi que de la religion, il dit c'est passé, nous l'avons vu. Il dit ensuite quant à la connaissance du prophète alayhi salatu wa salam, elle comporte cinq choses. Et ensuite, il détaille ce que va dire le shir. Rahimahullah. Donc, le shir Mohammed ibn Abdul Wahhab dit, « Wahoua », donc qui ? Le prophète, qui est-il ? « Wahoua Mohammed ibn Abdillahi ibni » Donc, le premier « ibn », c'est « ibnu ».« Wahoua Mohammed ». »« Mohammedun ibnu » Muhammad ibn Abdillah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim wa Hashim min Quraysh wa Quraysh min al-Arab wal Arab min dhurriyyati Isma'il ibn Ibrahim al-Khalil alayhi wa ala nabiyyina afdalu as-salatu wa salam. Donc le cheikh dit que notre prophète c'est Muhammad fils de Abdullah. Donc comment s'appelle ce prophète-là? Mohammed, alayhi salatu wa salam. Et ça c'est une obligation. Celui qui ne sait pas cela, cela n'authentifie pas son islam. Ça ne peut pas être authentifié. Comment a-t-il fait la shahada s'il ne sait pas que le prophète s'appelle Mohammed alayhi salatu wa sallam? Donc quelqu'un qui prie, quelqu'un qui va au hajj, quelqu'un qui fait tout l'islam. On lui dit, c'est qui ton prophète que tu suis? Il dit, je sais pas. C'est un arabe de la péninsule arabique, mais je connais pas son prénom. Laysa bi muslim. Comment a-t-il prononcé la shahada s'il ne peut pas identifier le prophète qui le suit? Donc Mohammed, ça, c'est une obligation. L'absence de cette information-là annule l'islam de la personne. Mohammed, Ibn Abdillah, fils de Abdullah. Ça, c'est mustahab. Celui qui ne connaît pas le nom du père du prophète, alayhi salatu wa salam, bien sûr, n'a pas son islam annulé. Ibn Abdil Muttalibi, fils de Abdul Muttalib. Donc, Abdul Muttalib, c'est le grand-père du prophète, alayhi salatu wa salam. Et son vrai nom, c'est Shayba. Il s'appelle Shayba. On l'appelait Abdul Muttalib parce qu'une fois, il est entré, donc à la Mecque, sur le dos de la bête de son oncle, qui était Al-Muttalib. L'oncle de Shayba s'appelait Al-Muttalib. Et Shayba était derrière lui. Et de par le voyage, il était donc, il avait le visage pâle, et les gens ont pensé que c'était son valet, quelqu'un qui était à son service. Et depuis ce moment-là, ils l'ont appelé Abdul Muttalib, le serviteur de Al-Muttalib. Et c'est resté son nom. À la base, c'est Shayba. Et Abdul Muttalib, c'est interdit d'appeler quelqu'un par Abdul Muttalib. Même si certains disent que c'est permis. Abdou, il ne peut y avoir après qu'un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abdul Rahman, Abdullah, Abdul Ghani, ainsi que le reste des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Al-Muttalib, non. Abdul Muttalib, c'est interdit pour cette umma-là. Ibn Hashim. Hashim, l'arrière, grand-père du prophète, alayhi salatu wassalam. On l'appelait Hashim parce que ça veut dire l'effriteur, Hashim. Parce qu'il effritait le pain pour ses invités. C'était quelqu'un qui était très généreux et qui effritait le pain pour les pèlerins et pour les invités. Donc il a été appelé comme cela. Wa Hashim min Quraysh. Donc Hashim, l'arrière-grand-père du prophète, alayhi salatu wassalam, fait partie d'une tribu qui est Quraysh. Et Quraysh est donc la tribu qui a l'exclusivité d'avoir le califat en islam. Il n'est pas permis, à la base, sauf pour quelqu'un qui prend le califat de force, d'être un non-Quraishite. Il y a divergence sur le fait que, est-ce qu'il doit être Hashimi ou pas? Bon, l'ilmu indallah, la plupart, l'authentique, c'est qu'il suffit qu'il soit de Quraysh, pas obligatoirement Hashimi. Mais choisir un calife non-Quraishite, ça n'existe pas, ça. On n'est pas un Quraysh, quelqu'un comme ça, un Marocain, Algérien, converti. Le califat, il appartient aux Quraishites jusqu'à Yom al-Qiyam, aux gens de Quraysh. Sauf si quelqu'un le prend de force, là il devient gouverneur, parce qu'il a pris de force. Et s'il est musulman et qu'il répond donc aux critères de l'imama, donc c'est un musulman qui applique les lois d'Allah, etc., qui fait sa prière, on obéit. Car le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « Usikum bitaqwallah ». Il a dit, je vous conseille donc la crainte d'Allah. Wa sam'i, l'écoute, wa ta'a, et l'obéissance. Wa in ta'ammara. C'est pas wa in umira. Wa in ta'ammara. Alaykum abdun habashi. Même si un esclave éthiopien prend la gouvernance de force. Ta'ammara, c'est dire qu'il a battu le peuple, a gagné et a pris la gouvernance de force. Donc Hashim fait partie de Quraysh. Wa Quraysh min al-Arab. Wa Quraysh min al-Arab. Et Quraysh fait partie des Arabes. Et les Arabes, ils sont de deux catégories. Les Arabes, ils sont de deux catégories. Il y a al-Arab, al-Ariba, les Arabes arabisants, qui sont Qahtan et autres. Donc ils sont les Arabes qui ont arabisé d'autres peuples. Le prophète alayhi salatu wa sallam ne fait pas partie de ceux-là. Et il y a les Arabes al-Musta'araba ou al-Musta'ariba, al-Arab al-Musta'ariba, qui sont les Arabes arabisés. Donc qui à la base n'étaient pas des Arabes dans leur racine, et qui ont été arabisés par Al-Ariba, les arabisants. Donc, Qahtan est à l'origine des Arabes du Yémen, hein, comme vous savez. Lorsque Ibrahim alayhi salam a laissé Hajar et Ismaïl au niveau de la Kaaba, donc certains peuples, tribus donc du Yémen, ont été contraints de partir en voyage à la recherche d'eau. Et ils sont arrivés au niveau de la Kaaba et ont trouvé Hajar. Hajar, radiallahu anha, avec Ismaïl, alayhi salam, donc au niveau de la Kaaba. Et ensuite, donc ce peuple-là est resté avec Hajar et Ismaïl. Et Ismaïl s'est marié, donc, de ces Arabes-là, arabisants, et est donc devenu un Arabe arabisé. Il a appris l'arabe avec ces gens-là. Et ensuite, sa dhurriya, donc sa descendance, dont le prophète alayhi salatu wassalam font partie de al-arab al-musta'riba, les arabes arabisés. Donc à la base, qui n'étaient pas des arabes. Ibrahim n'était pas arabe, alayhi salam. Donc Ismaïl, alayhi salam, lui est un arabe arabisé. Pas Ishaq. Ishaq, non. Il n'est pas un arabe. Et tous les prophètes sont descendus ensuite d'Ishaq, alayhi salam, sauf le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, qui est donc un arabe arabisé. والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل. Donc, et les Arabes font partie de la descendance d'Ismaïl, le fils d'Ibrahim, al-Khalil, le bien-aimé d'Allah, alayhi wa ala nabiyina afdalu salatu wa taslim. Sur lui et sur notre prophète, les meilleures paix et bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, parmi ceux-ci, qu'est-ce qui est obligatoire comme information? Information sans laquelle la personne ne peut prétendre être musulman. Donc c'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se prénomme Muhammad. Aussi le fait qu'il soit arabe. Le fait qu'il soit arabe. Donc peut-être pour quelqu'un qui est hadith ou ahdin bil kufr, quelqu'un qui vient à peine de sortir de la mécréance, on va peut-être pas lui expliquer que Mohammed alayhi salatu wa salam, on ne va pas d'ailleurs lui expliquer que Mohammed est un arabe lorsqu'il va prononcer la shahada. Et ça, c'est une information qui n'est pas censée être ignorée, hein, le plus tôt possible. Mais ça, ce n'est ignoré par personne. Il n'y a personne aujourd'hui dans le monde qui pense que le prophète alayhi salatu wa salam n'était pas arabe. Donc ça, c'est une notion qui est obligatoire. Donc ce qu'a cité le shirk est une obligation. C'est-à-dire le fait que le prophète alayhi salatu wassalam s'appelle Muhammad. Je vous lis quelques paroles par rapport à ces notions-là. Qala al-Qadi Iyad fi kitabihi al-Shifa. Al-Qadi Iyad a dit dans son livre al-Shifa bi ta'rifi huquqi al-Mustafa. La guérison par la connaissance des droits du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. باب ما يكفر به من المقالات في بيان مسائل النبوة. Donc il a mis un chapitre montrant ce qui est de la mécréance, les paroles qui sont de la mécréance et qui sont en lien avec la prophétie donc du prophète عليه الصلاة والسلام. Donc il a dit من جحد النبوة من أصلها عموما. Celui qui réfute la prophétie à la base. Donc il dit il n'y a pas de prophétie à la base, c'est-à-dire il n'y a pas eu de prophète de Adam alayhi salatu wa salam jusque à Sayyidina Muhammad alayhi salatu wa salam. La notion de prophétie, c'est-à-dire que des humains aient été envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala pour enseigner le tawhid et mettre en garde contre le shirk, etc. Ça n'existe pas. Celui-là est mécréant. أو نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا. Donc celui qui dénigre, rejette la prophétie de manière générale ou bien de manière spécifique celle de notre prophète Muhammad alayhi salatu wasalam. Bon, ça c'est clair quand même, quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas de prophète alayhi salatu wasalam. أو أحد من الأنبياء الذين نص الله عليهم بعد علمه بذلك فهو كافر بلا ريب. Il dit ou bien celui qui rejette la prophétie d'un des prophètes dont Allah subhanahu wa ta'ala a cité la prophétie. Donc dans le Coran, il dit après donc la connaissance de ce texte-là, ou bien que ce soit un hadith authentique. Donc cette personne-là, donc est mécréante, il dit sans aucun doute. Il dit qu'El Barahima est la majorité. Il dit comme El Barahima qui est une secte, la majorité des juifs, ou El Arusiya ou El Orusiya qui est aussi une secte des chrétiens, Minan Nasara, ou El Gharabiya, Minan Rawafid et aussi certaines. Donc sectes comme El Rawafid parmi les chiites, El Za'imina Anna Aliyan Kana El Mab'outha Ilayhi. Jibrilu, prétendant, ceux qui prétendent que Ali, c'était celui qui, donc, à qui avait été envoyé Jibril, alayhi salam. Ha'oula kafara, il n'y a pas de doute. Celui qui dit que Jibril s'est trompé, il n'est pas allé chez le prophète, alayhi salatu wa salam. Mais il est allé, il devait aller, donc, chez Ali, au lieu d'aller chez le prophète Muhammad, alayhi salatu wa salam. Il n'y a aucun doute sur sa mécréance. Celui-là, il dément tout le Coran. C'est-à-dire que tout le Coran est faux pour lui. وكل معطلة والقرامطة والإسماعيلية والعنبرية من الرافضة وإن كان بعض هؤلاء قد أشركوا في كفر آخر مع من قبلهم. Donc il a cité encore d'autres sectes démentant donc soit la prophétie de manière générale, ça n'existe pas, un prophète ça n'existe pas, ils disent, ou bien la prophétie du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam de manière spécifique, ou bien toute prophétie d'un prophète qui a été, dont le texte a été mentionné par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit Al-Qadi Iyad mithluhu, donc ont le même statut. Man jawaza ala al-anbiya al-kadhib, donc celui qui dit que il se peut que les prophètes mentent, c'est possible qu'ils mentent. Fima ataw bihi, donc ceux qui, parmi ceux qu'ils ont apporté le Coran, la Sunna, il se peut qu'ils aient menti. Hadha kadhalika yakfur. Et il dit que il y a un intérêt à ce que les prophètes mentent. Ils ont menti, même s'il dit par intérêt. C'est-à-dire pour le bien du dîn, les prophètes ont menti. Celui-là, kadhalika, hadha al-qawl kufr. Nous, on parle des paroles pour l'instant. Cette parole-là, c'est une mécréance. Aw lam yad'uha, fahuwa kafirun bi-ijma'i. Bi-ijma'in kal-mutafalsifina. وبعض الباطنية والروافد وغلاة المتصوفة وأصحاب الإباحية. Donc celui qui rend permis, licite, possible le mensonge chez les prophètes, soit par intérêt, ou bien même s'il ne prétend pas qu'il y a intérêt, qu'il y a un intérêt, alors cette personne-là, il dit, c'est un mécréant par consensus. Il dit comme certains, comme les philosophes ou certains batiniya, ceux qui intériorisent la mécréance et extériorisent l'islam, qui sont des munafiqoun. Donc, et de même, celui qui attribue à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam le mensonge volontaire dans ce qu'il a transmis ou informé. Ou bien celui qui doute donc de sa véracité. Ou qu'il insulte, celui qui insulte le prophète alayhi salatu wa sallam, donc celui-là, il sort donc tout de suite de l'islam, il n'y a pas d'excuse d'ignorance là. Je ne savais pas, ça ce n'est pas possible, parce que l'être humain lui-même sait que l'insulte est quelque chose de diminutif. Sauf si c'est dans une langue qu'il ne connaît pas, il ne savait pas que c'était une insulte. Il ne savait pas que l'expression en elle-même est une insulte. Ou bien que réellement il n'a pas visé, je ne dis pas l'insulte. Il a dit une expression mais par erreur. Ça c'est autre chose. Mais s'il a visé sa parole de manière volontaire, et ça on le verra dans l'Orkhid de l'Islam, je ne m'attarde pas, mais même il ne sait pas que c'est du kufr. Il ne sait pas que c'est du kufr. Par exemple, il se moque du prophète, alayhi salatu wassalam, sur sa barbe, par exemple. Tu vois, il se moque sur sa barbe, il sort de l'islam. Pas se moquer de la barbe, ça c'est autre chose. Mais se moquer de la barbe du prophète, alayhi salatu wassalam. Aw qala innahu lam yuballigh. Ou bien celui qui dit que le prophète, alayhi salatu wassalam, n'a pas transmis. Ou istakhaffa bih, ou bien qu'il le prend à la légère, ouais, il se moque quoi. Ou bi ahadin min al-anbiya, ou bien il fait pareil avec quelqu'un des prophètes. Ou azara alayhim, ou bien qu'il soit là, qu'il se moque d'eux. Ou adahum, qui leur fait du mal. Ou qatala nabiyyan, celui qui tue un prophète. Bon, de manière claire, celui-là c'est du kufr, il sort de l'islam, le simple fait de tuer. Ou harabahu, même s'il entre en guerre contre un prophète, ça aussi c'est, comme dit le shir, fahuwa kafirun bi ijma'. Il est mécréant selon le consensus. Wa kadhalika nu kafiru, et de même, nous excommunions, nous statuons de la mécréance. Man dhahaba madhhaba بعض القدماء في أن في كل جنس من الحيوان نذيرا ونبيا من القردة والخنازير والدواب والدود وغير ذلك ويحتج بقوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. Et de même, donc nous statuons de la mécréance de celui qui prend la voix de certains anciens, donc disant que dans toute communauté, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un avertisseur et un prophète, donc dans toute communauté animale. Donc il dit parmi les fourmis, il dit parmi les singes, il y a un prophète. Parmi les porcs, il y a un prophète. Il dit parmi les animaux, il dit parmi les asticots. Et il prend comme délil, parce que tout moubtadi a un délil. Et il n'y a pas une communauté sans que ne soit passé parmi eux un avertisseur. Et il prend ça, il dit les fourmis, c'est une communauté, les mouches, etc. Il dit qu'il y a un prophète. يعني قد عياد هذا كافر قال وكذلك نكفر من اعترف من الاصول الصحيحه et de même nous statuons de la mécréance de celui donc qui atteste des fondements là que nous venons de citer avant donc le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam la prophétie existe le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam est un prophète il ne ment pas il a tout transmis etc. Donc il accepte donc les fondements de la prophétie du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam précédent. Walakin qala kana aswad. Mais il dit c'était un noir. Kafara kadhalik. Il dit le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam était un noir ou un asiatique ou un européen. Il sort de l'islam. Aw mata qabla an yaltahi. Ou bien il est mort avant que sa barbe ne pousse. C'est-à-dire avant qu'il ait la barbe. De même, hada kufrun. Aw laysa alladhi kana bi Makkah wal Hijaz. Ou bien ce n'est pas celui qui vivait à la Mecque. Et c'est Mohammed, mais il vivait ailleurs. C'est pas celui qui est à la Mecque, là, dont les gens parlent. Il dit, moi, j'atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah, que Mohammed a son envoyé. Parce que tu peux trouver tout, hein, les philosophes, une fois qu'ils rentrent dans ce délire-là, ils sont capables de tout. Il va te dire, mais c'est pas lui, là. Celui dont vous parlez, là, vous êtes trompé, c'est un autre. Il habitait là-bas. Et c'est lui auquel il faut croire. Kadhalika kafir. Aulaysa bi qarshi. Il n'est pas Quraishite. Il n'est pas Quraishite. Kadhalika hada min al-kufr. Lianna wasafahu bi ghairi sifatihi al-ma'lumati. Nafian wa takdhiban bih. Car il l'a qualifié par d'autres qualités par lesquelles il a été qualifié en les rejetant et en démentant. Même s'il dit non, mais moi je suis sincère, réellement, il n'est pas arabe ou bien et il fait des recherches sociologiques, géographiques, historiques, ce qu'il veut. Il sort de l'islam. وكذلك من ادعى نبوة احد مع نبينا. De même, celui qui prétend donc la prophétie avec le prophète alayhi salatu wa salam, d'où la mécréance de Ahmed Ghulam al-Qidiani, donc ce prêcheur qui est sorti, qui en réalité la Grande-Bretagne a mis en place en Inde, et d'abord la plupart de ces prêcheurs-là, de ces shayatins, ce sont souvent les mécréants qui les mettent en place et qui les financent. Donc cette personne-là, Ahmed Ghulam al-Qidiani, qui a une chaîne, hein, il faut faire attention, ça parfois tu peux entrer, tu vois, le papa et la maman, ils regardent ça, dans la parabole. Il a un turban comme ça, c'est une photo que l'on voit, il a un turban, souvent vert, avec une barbe. Et lui, il s'est prétendu comme étant le Mahdi. Après, il a prétendu, il me semble, la prophétie, j'en suis pas sûr. Bon, il y a eu, le conseil du Pakistan a attesté de sa mécréance, après même le Rabit al-Alamiya, le conseil mondial de le Majma' Fiqhi, ont aussi attesté de sa mécréance. Et de tous les adeptes d'Al-Qidiyaniya. Tous les adeptes d'Al-Qidiyaniya pensant que donc Ahmed Ghulam Al-Qidiyani est vraiment le Mahdi et qu'il connaissait l'invisible. Il a écrit des livres qui existent aujourd'hui et c'est une da'wah qui est financée, ça. Donc ils ont beaucoup de mosquées qui s'ouvrent. On les entend pas trop en France, alhamdoulilah, si c'est plutôt les Ahbèches. Ils sont présents en Espagne, ils sont très présents en Espagne, un peu partout dans le monde, Pakistan, Inde. Et c'est des gens donc qui sont des mécréants. Car ils attribuent à cette personne la connaissance de l'invisible, la prophétie et autres. Donc même s'ils sont soi-disant sincères, ils recherchent le paradis. Et ça, ce sont des notions qui vont à l'encontre du Coran et de la Sunna Sahiha et qui sont annulatoires de l'islam. Et de même, il dit, celui qui prétend que son message est spécifique aux Arabes. Donc c'est vraiment un prophète, etc. Mais il a été envoyé qu'aux Arabes. Donc c'est que pour les Arabes. Par exemple, il voit un converti, il lui dit « Non, mais là, ce que tu es en train de faire, c'est la religion, c'est que pour les Arabes, ça. » Et lui, il est musulman, il est arabe, lui. Enfin, il est musulman, il se prétend musulman. Il fait la prière, il fait le tout, ça peut être une femme qui fait ses cinq prières, etc. Et une femme veut se convertir, elle lui dit non, mais toi, il ne faut pas que tu te convertisses, ça c'est notre religion, le prophète Mohammed sallam, il a été envoyé que pour nous, que pour les arabes. Donc revenons aux paroles de Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab. Donc il nous donne au début la lignée donc du prophète alayhi salatu wassalam, qui donc se termine à Quraysh, car Quraysh, donc Quraysh sont des arabes. Donc qu'est-ce qui est obligatoire à connaître ici et qu'on ne peut ignorer? Donc la connaissance de son nom. Quant à la connaissance de son père, nous avons dit ainsi que son grand-père, c'est recommandé. L'obligatoire, c'est savoir qu'il s'appelle Muhammad. Et aussi, il faut savoir de manière obligatoire qu'il est le messager d'Allah, que c'est un prophète. Ça, ce n'est pas permis de l'ignorer. Et aussi, il est obligatoire de connaître ce que a apporté le prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, qu'est-ce qu'il a apporté? Donc, il a apporté le Coran, il a apporté le tawhid, et le délaissement du shirk. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Qu'est-ce qu'il a apporté comme message? C'est cela. Donc, ça aussi, c'est une obligation de le savoir. Et aussi, on est obligé de savoir qu'il est arabe. Et aussi qu'il est mort. Celui qui prétend que le prophète Mohammed est encore vivant dément le Coran. Et aussi, il faut donc croire de manière ferme et ne pas douter sur le fait qu'il est arabe. Et aussi, le prophète alayhi salatu wassalam est donc mort par rapport à la vie de ce bas monde, mais dans sa tombe, il est vivant. Une vie, donc barzakhia, qu'on appelle du monde intermédiaire, donc entre ce bas monde et donc la résurrection. Et c'est une vie donc dont seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît la réalité. Et les prophètes sont tous dans ce cas-là. Et la réalité de cette vie-là, Allah a'alam. Al-ilmu indallah. Donc continuons les paroles de Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab. Donc il dit, وَلَهُ مِنَ الْعُمُرِ ثَلَاثٌ وَسِتُونَ سَنَةً. Et donc il a vécu 63 ans. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a vécu 63 ans. مِنْهَا أَرْبَعُونَ قَبْلَ النُّبُوَةِ. Donc parmi ces 63 ans, 40 ans avant la prophétie. وَثَلَاثٌ وَعِشْرُونَ نَبِيٍّ رَسُولًا. Et 23 ans, il a été donc prophète messager. Donc ce sont des années lunaires. 63 années lunaires et non pas solaires. Donc solaire, c'est un peu plus ou un peu moins? C'est un peu plus ou moins? C'est moins. On a plus d'années lunaires qu'on en a solaires. Donc 40 ans avant la prophétie, donc Allah subhanahu wa ta'ala lui a descendu les premiers versets du Coran alors qu'il avait 40 ans. Dans la grotte de Hira, vous connaissez l'histoire, lorsque Jibril alayhi salam est venu la serrer, lui a dit « lis », il a dit « je ne sais pas lire », etc. Inch'Allah, vous connaissez ce récit-là. Donc, et 20 ans en tant que prophète messager. « Nubbi'a bi-iqra ». Donc il a été déclaré prophète par Iqra, la sourate Iqra. Toute la sourate, est-ce qu'il a reçu toute la sourate dans la grotte de Hira? Non. Les cinq premiers versets. Les cinq premiers versets. Wa ursila bil mudathir. Et il a été donc, il a pris le statut de messager par la sourate Al-Mudathir. Celui qui est blotti sous ses couvertures, qui est le recouvert. Donc ça, c'est selon la parole qui dit que le Nabi, c'est le prophète qui reçoit une révélation, mais qui n'est pas responsable de la transmettre. Alors que le messager, c'est celui qui doit la transmettre. Donc effectivement, dans Iqra, il ne lui est pas ordonné de transmettre. Alors que Al-Muddathir, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, Ya ayyuha Al-Muddathir, qum fa'anvir. Ô toi le blotti, le recouvert, lève-toi et avertis. Donc ce sont par les versets de cette surah-là qu'il a été donc déclaré comme messager. Wa baladuhu Mekka. Et donc son pays, hein, sa région, c'est la Mecque. Donc où il est né? Il est né à la Mecque, alayhi salatu wassalam. Wa hajara ila al-Madina. Et il a fait l'hijra à Médine. Donc il est né à la Mecque. Et Mecca, c'est Ashraful Biqa, c'est l'endroit le plus honorable de la planète. Et ensuite Médine, puis Al-Quds. Mejid Al-Aqsa, bien sûr. Donc il a ensuite fait l'agir à Médine. Alayhi salat wa salam. Quelle année il a fait l'agir? Combien de temps il est resté à la Mecque? 13 ans. 13 ans à la Mecque, 10 ans à Médine. Alayhi salat wa salam. Donc il est resté 13 ans à la Mecque, et ensuite il est parti à Médine. Qui s'appelait comment? Avant de s'appeler Al-Madina, Yathrib, avec un tha. Yathrib. بعثه الله بالنذارة عن الشرك. Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé avec l'avertissement contre l'associationnisme. ويدعو إلى التوحيد, et prêchant au tawhid. Donc ça on ne développe pas, on l'a vu de manière détaillée tout au long des cours précédents. والدليل قوله تعالى, et la preuve de ceci est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, يا أيها المدثر قم فأنذر. Donc يا أيها المدثر, ô toi le blotti sous tes couvertures. Cheikh Al-Uthaymin dit an-nida'u li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'interpellation, l'appel concerne le prophète, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Qum fa anzir, lève-toi et avertis. Cheikh Al-Uthaymin dit ya'muru Allah 'azza wa jalla nabiyahu sallallahu alayhi wa sallam an yaquma bi jiddin wa nashatin wa yunziru an-nasa 'ani ash-shirki wa yuhadhdhiruhum minhu. وقد فسر الشيخ هذه الآيات. Cheikh Al-Uthaymin dit, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne donc à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de se lever avec dynamisme et énergie et d'avertir les gens, donc de les avertir contre le shirk et de les mettre en garde contre celui-ci. Et le shaykh, donc Mohammed ibn Abdul Wahhab, a expliqué ces versets. Il va les expliquer ensuite. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, proclame la grandeur de ton Seigneur, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, et purifie ton vêtement. D'autres disent purifie ton âme des mauvaises choses, ton cœur des mauvaises choses, وَرُجْزَ فَهْجُرْ, et éloigne-toi, donc détourne-toi, éloigne-toi des statues, وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ, et il y a plusieurs tafsir dans وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ, parmi ceux-ci ne te fais pas d'éloge en pensant que tu fais beaucoup de bien. Wali rabbika fasbir, et patiente par rapport à l'ordre de ton Seigneur, c'est-à-dire par rapport à ce qu'il va t'atteindre de mal, de maux divers par rapport à ta da'wa. Wa ma'na, et le sens donc de ces versets-là, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dit, wa ma'na qum fa anzir, yunziru 'ani ash-shirki wa yad'u ila at-tawhid, lève-toi et avertis, c'est-à-dire qu'il avertit contre le shirk et il appelle au tawhid. Donc ça, c'était la da'wah du prophète alayhi salatu wassalam. La base fondamentale de la da'wah de notre prophète alayhi salatu wassalam, c'est ceci. Et donc j'insiste très fortement sur le fait que la base d'une da'wah, selon le Coran et la Sunna, est une da'wah fondée sur l'enseignement du tawhid et le délaissement du shirk. Et toute da'wah, qui pas de manière ponctuelle, mais de manière fondamentale, ne s'appuie pas sur le tawhid et le délaissement du shirk, est une da'wah bid'iyya. Si ponctuellement quelqu'un, de par, alhamdoulilah, la préservation du peuple qui l'interpelle, que ce soit en termes de mosquée, les orangs donc de la mosquée, ou bien les gens l'entourant, il se peut qu'il aille s'investir dans d'autres sujets. Parce que, alhamdoulilah, peut-être il y a d'abord des gens qui sont déjà investis là-dedans, et que donc dans la globalité, la da'wah au tawhid et la mise en garde contre le shirk est présent, et qu'il y a un autre domaine dans lequel il y a des lacunes. Donc il se peut qu'il s'investisse dans cette prêche-là, mais dans le sens où il comble un vide existant, mais sans prétendre que sa prêche donc est complète. Mais aujourd'hui, il existe donc des groupes faisant abstraction du tawhid et de la mise en garde contre le shirk, et prétendant la complétude dans leur prêche. Et s'ils avaient une dua exaucée, ils feraient dua que tous les autres prêcheurs disparaissent et que ne reste que leur groupe. Et lorsqu'on les questionne sur leur minhaj, ils te disent que leur minhaj est complet et qu'il n'a besoin d'aucun ajout et qu'il y a tout dedans. Et c'est là où le danger donc apparaît de certains groupes. C'est que si tu veux t'investir dans ce domaine-là, hein, comme étant une brique d'un grand édifice. Et tu te dis, allez, moi, je vais travailler sur la da'wa de certaines personnes, le commun des gens. Hein, je vais appuyer sur l'akhlaq, par exemple, un bon comportement, les relations conjugales, ou etc. Mais que lorsque tu es questionné sur ta prêche, et que notamment, on te dit que tu as des lacunes au niveau du tawhid, on te demande pourquoi est-ce que tu ne prêches pas à ce niveau-là, par exemple, et que tu dis, alhamdoulilah, il y a tel prêcheur, il travaille, et ses audios, ses vidéos sont présentes, il va de mosquée en mosquée, donc moi je vais plutôt sur ce domaine-là, parce que lui aussi peut-être n'a pas le temps. Donc alhamdoulilah, là il y a une complémentarité entre les deux prêches. Mais lui ne prêche pas au tawhid. Et dans son fond, il se dit, si seulement se taisait celui-là. Là, c'est un égarement. Et là, on a beaucoup de groupes à ce niveau-là. Il n'y a pas de tawhid, pas du tout. Il n'y a pas du tout de tawhid. Alors qu'il n'y prêche pas, c'est quelque chose, mais le pire, c'est qu'il met en garde contre ceux qui ensuite prêchent au tawhid. Ça, c'est encore un autre problème. Le shir dit, rahmatullahi alayh, wa ma'na qum fa'anzir, lève-toi et avertis. Donc, il avertit contre le shirk et appelle au tawhid. Wa rabbaka fakabbir, et proclame la grandeur de ton Seigneur, et azzimhu bit tawhid, proclame sa grandeur par le tawhid. Wa thiyabaka fatahhir, et purifie ton vêtement. D'autres disent ton âme. Donc soit c'est la purification donc matérielle, en enlevant les impuretés de son tissu, son vêtement, ou bien les impuretés ma'nawiyah, donc notionnelles, immatérielles, de son cœur, de son âme. Le shirk ici dit, hey, tahir a'malaka min ash-shirk, purifie tes actes du shirk. Donc lui, il a choisi, il a opté pour la purification donc immatérielle, notionnelle, purification des œuvres. والرجز فهجر, الرجز الأصنام, الرجز, donc ce sont les statues. Allah dit, détourne-toi, délaisse les statues. وهجرها تركها, donc c'est le délaissement des statues. والبراءة منها وأهلها, et le désaveu donc des statues et des alliés, des adeptes de ces statues-là. Donc ça, on a fortement expliqué avant par rapport au tawhid, ces notions-là. أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد. Donc pendant 10 ans, le prophète alayhi salatu wassalam a appelé au tawhid. Pendant 10 ans, il a appelé au tawhid. Donc il a appelé qu'à cela, alayhi salatu wassalam. Appeler au tawhid et mettre en garde contre le shirk. وبعد العشر عرج به إلى السماء. Et après la 10e année, donc il a été élevé au ciel. Donc c'est une élévation selon l'avis de Ahl Sunnah wal Jama'a, le plus authentique, du corps et de l'âme. Du corps et de l'âme. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, en éveil de par son corps et son âme, donc il est monté sur Al-Buraq, qui est donc la bête des prophètes alayhi salatu wassalam, et qui pose son talon à l'endroit où se termine son regard. Donc chaque pas de cette bête-là, c'est à perte de vue. Donc il pose à l'horizon à chaque fois son pas. Donc il allait à une vitesse extrêmement rapide. Donc elle a transporté à la Mecque, et le prophète Al-Quds, pardon, Masjid Al-Aqsa, et le prophète alayhi salatu wassalam a donc prié avec les prophètes en tant qu'imam sallallahu alayhi wa sallam, puis il a été élevé donc aux cieux. Et ceci, nous le développons, nous n'allons pas le développer, comme salam rahmatullah. Ceci, ça s'est développé dans certains livres. Et notamment, Al-Isra wa al-Mi'raj, Sheikh Al-Albani, rahimahullah, a écrit un livre, Al-Isra wa al-Mi'raj, qui est très intéressant et qui est plus un recueil de hadiths qu'un livre qui raconte Al-Isra wa al-Mi'raj. Mais il rapporte donc les hadiths authentiques en lien avec cet événement-là, et notamment aussi les hadiths faibles ou mensongers. Wa furidat alayhi salawatul khams, et les 5 prières lui ont été rendues obligatoires, qui sont Al-Dhuhr, والعصر والمغرب والعشاء والصبح. Et ces 5 prières, même si le shirk en apparence dit qu'elles ont été rendues obligatoires au prophète alayhi salatu wassalam, c'est bien sûr une obligation pour toute sa communauté. Au début, elles étaient au nombre de, vous savez, 50. Et le prophète alayhi salatu wassalam, en rencontrant Moussa lors de sa descente, l'a informé de ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui avait donné comme ordre, et il lui a dit, donc Moussa alayhi salam, que c'est beaucoup, et qu'il avait déjà donc expérimenté ça avec Banu Israël, et qu'il fallait donc demandé à Allah subhanahu wa ta'ala un allègement et il n'a cessé de partir et revenir auprès d'Allah, entre Allah et Moussa alayhi salam, jusqu'à ce que celle-ci soit ramenée au nombre de 5, mais ayant la récompense de 50 prières effectives, non pas par le fait qu'elle la hasana est multipliée par 10, pas dans ce sens-là. Les 5 prières ont la récompense de 50 prières effectives. Bi'idhnillahi azza wa jalla. Wa ba'daha umira bil hijra. Et ensuite, il lui a été ordonné de faire al-hijra ila al-Madina, en direction de Médine. Donc, du fait de la persécution subie à la Mecque et du fait de l'impossibilité donc d'extérioriser comme il se doit sa religion, le musulman, donc le prophète alayhi salatu wa salam, ainsi que ses divers compagnons, il leur a été ordonné donc de faire al-hijra à Médine. Et ceci, c'est la grande hijra que l'on connaît bien sûr. Et il y a eu précédemment une autre hijra vers Al-Habasha. Le prophète alayhi salatu wa salam a donc autorisé à certains de ses compagnons, pas tous, un groupe à la tête duquel était Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu, donc le frère de Ali, lui-même aussi cousin donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est parti avec un groupe d'hommes et de femmes auprès de donc An-Najashi. An-Najashi qui était donc chrétien, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit: allez donc là-bas et vous trouverez donc refuge auprès d'un roi auprès duquel personne n'est opprimé. Et ceci montre que il peut y avoir chez certains gouverneurs mécréants un refuge pour certaines personnes pour protéger leur religion. Et ça, c'est des choses qui sont même vécues aujourd'hui. Donc les compagnons sont partis chez An-Najashi radiyallahu anhu, qui est mort ensuite musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je l'ai vu au paradis, que c'était quelqu'un du paradis. Donc Ja'far est venu, comme vous savez, et lui a présenté l'islam et lui a lu des versets de sourate Maryam. Et les yeux de Najashi ont débordé de larmes et a dit: wallahi, que ce que tu viens de me réciter, c'est ce avec quoi est descendu An-Namus, c'est-à-dire Jibril alayhi salam, sur Moussa alayhi salam. Et Isa alayhi salam, sur Isa alayhi salam. Et il est rentré en islam, radiyallahu anhu. Mais la hijra dont il est question ici, c'est la hijra donc de la Mecque vers Médine, vers Yathrib, donc Al-Madina, sera Al-Madina ensuite. Et le shirk dit: Al-Hijratu, wal-Hijratu, al-intiqalu min baladi shirki ila baladi l'islam. Et la hijra, c'est le déplacement donc du pays de l'associationnisme vers le pays de l'islam. Donc al-hijratu dans la langue arabe, c'est at-tark, c'est le délaissement. Dans la langue, le mot hijra dans la langue arabe, c'est at-tark, le délaissement. Dans le shara, c'est tarku ma naha Allahu an li fi'li ma amara Allahu bih. Dans le sens législatif général, c'est le délaissement de ce qu'Allah a interdit pour faire ce qu'il a ordonné. Donc le délaissement de la fornication, c'est une hijra. Le délaissement de boire le vin, c'est une hijra. Dans le sens général législatif. Dans le sens spécifique qui nous intéresse ici et qui est développé par le shirk, c'est ce qu'il a cité. C'est le déplacement d'un pays du shirk vers un pays donc d'islam. Donc, qu'est-ce qu'un pays de shirk et qu'est-ce qu'un pays d'islam? Ça, c'est une notion qui est importante pour comprendre cela. Mais auparavant, on va parler donc du statut de la hijra. Donc, Cheikh Al-Uthaymeen dit, par rapport au statut de la hijra, il dit: فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ لَا يَسْتَطِيعُ إِظْهَارَ دِينِهِ فِي بَلَدِ الْكُفْرِ فَلَا يَتِمُّ إِسْلَامُهُ إِذَا كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ إِظْهَارَهُ إِلَّا بِالْهِجْرَةِ. وَمَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبُ. Cheikh Al-Uthaymeen dit, la hijra donc est obligatoire pour tout croyant ne pouvant pas extérioriser sa religion dans un pays de mécréants. Donc son islam n'est complet, pas dans le sens qu'il est mécréant, ça dépend de ce qu'il ne peut pas extérioriser dans le pays mécréant dans lequel il est. Donc son islam n'est pas complet s'il ne peut pas extérioriser son islam seulement par la hijra. Et ce par quoi une obligation ne peut être accomplie, alors cette chose-là devient obligatoire. مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبُ. Donc si l'extériorisation de la religion n'est possible que par la hijra devient alors obligatoire. Donc les hijras sont quand même de différentes catégories. Donc il y a la hijra que nous avons citée précédemment, qui est la hijra, le déplacement d'un pays d'injustice, de peur, de persécution vers un pays où il y a la sécurité. Donc là, ça peut être même un pays musulman que l'on va délaisser pour aller vers un pays mécréant. Et ça, c'est la hijra donc de Ja'far ibn Abi Talib avec son groupe vers Al-Habasha. Wa hiya al-hijratu ila al-Habasha kama hajara as-sahaba. Ensuite, il y a la hijra donc du pays du shirk vers le pays d'islam. Et par quoi est-ce que l'on juge donc un pays de shirk? Un pays de shirk, c'est un pays dans lequel les lois de la mécréance ont le dessus donc sur les lois de l'islam. Un pays dans lequel les lois de la mécréance ont le dessus sur les lois de l'islam. Qu'est-ce qu'on veut dire par loi de la mécréance? Ce sont des lois qui vont à l'encontre donc des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce sur quoi le Qur'an et la Sunna se sont tus, les lois émises et qui ne sont pas donc à l'encontre du Qur'an et la Sunna et qui sont acceptables dans la généralité, ce ne sont pas des lois kufriya, comme l'organisation de la circulation, les amendes ou éventuellement des taxes, etc. Ceci n'entre pas donc dans des lois kufriya. Mais lorsque les lois d'Allah sont annulées, les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala sont annulées, remplacées par des lois de mécréance, ça devient un pays donc de kufr. De ce fait-là. Aussi lorsque le shirk est laissé, et il n'est pas réprimandé par les autorités. Aussi ça devient un pays de shirk. Et l'avis le plus authentique concernant le critère qualifiant un pays mécréant ou pas, c'est le système et non pas le peuple. Ce n'est pas le peuple. Mais c'est al-hukm. Donc c'est la gouvernance mise en place. Donc si la gouvernance est musulmane, alors on qualifie le pays comme étant un pays musulman. Et si la gouvernance est mécréante, on qualifie le pays comme étant un pays mécréant. Quant au peuple, non. Le peuple, tant qu'il n'agrée pas la mécréance venant du gouvernement, ce n'est pas un pays mécréant, comme statuent certains khawarij, certains exagérateurs dans le takfir, ce qui est extrêmement grave. Donc les pays aujourd'hui démocratiques, maghrébins ou autres. Donc ça, ce sont des systèmes mécréants, ce ne sont pas des systèmes musulmans. Bon, c'est quand même assez clair, mais ce ne sont pas des systèmes musulmans en termes de système politique, de gouvernance. Mais le peuple, c'est un peuple musulman. Car de manière majoritaire, les gens sont musulmans. D'autres ont dit que le critère à prendre en compte, donc c'est le peuple. Mais l'avis le plus authentique, bihaoulillahi azza wa jal, c'est les lois mises en place par le gouvernement. D'autres ont dit que tout pays, un pays musulman, c'est tout pays qui a été conquis dans le passé par les musulmans. Donc même l'Espagne, c'est un pays musulman aujourd'hui. Et simplement, il a été envahi à nouveau par les mécréants, mais ça reste une terre d'islam. Non, ça ce n'est pas réel. Une fois qu'une terre donc est commandée par les mécréants, certes, c'est notre devoir, bihaoulillah azza wa jal, ce à quoi nous aspirons, c'est que les lois d'Allah, inshallah, globalise toute la planète bi'iznillahi azzawajal, afin que toute l'humanité puisse vivre le bonheur de la sharia d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais une fois qu'un pays est commandé par des mécréants, c'est un pays de kuffar. D'ailleurs, les savants étaient en consensus unanime sur le fait que lorsque les pays musulmans ont été conquis par al-Ubaydiyin, se disant Fatimides, les dynasties Fatimides, ce n'étaient plus des pays musulmans. L'Égypte, mathalan, à un moment, était donc gouverné par Al-Batiniya, Al-Ubaydiya, qui étaient des mécréants, qui tuaient Ahl-Sunnah, qui ordonnaient aux imams d'insulter les sahabas sur le minbar. Donc ces gens-là n'étaient pas des musulmans. Et à ce moment-là, la terre n'était pas une terre... le pays n'était pas un pays musulman. Ensuite, il peut y avoir des pays dans lesquels les lois du kufr et les lois de l'islam donc sont équivalentes. Quand on dit ça, ça ne veut pas dire que le système il fait un petit peu de kufr, un petit peu d'islam, non. C'est que le peuple, dans le peuple, ni les lois du kufr battent les musulmans et ni les lois des musulmans arrivent à prendre le dessus sur les kuffars. Donc les mécréants, ils ne donnent pas le jizya, ils n'ont pas le statut de dhimmi. Mais aussi les musulmans, ils peuvent par exemple faire leurs lois à part. Ils ne sont pas, on leur interdit pas de faire les hudoud. On leur interdit pas de... Ils peuvent faire leur islam, eux, à part. Donc nous avons vu la hijra concernant celui qui ne peut pas donc extérioriser sa religion. Donc les cas sont quasiment infinis. Qu'est-ce que c'est que ne pas extérioriser sa religion ? Mais par exemple, des gens qui ne peuvent pas faire salat al-jama'a. Ils ne peuvent pas avoir de mosquée. Ils ne peuvent pas se réunir en groupe pour prier. Ils ne peuvent pas donc faire l'appel à la prière. Ils ne peuvent pas faire l'Eid. Ils ne peuvent pas être enterrés comme des musulmans doivent être enterrés, etc. Là, il devient obligatoire de s'enfuir de cette terre-là pour pouvoir pratiquer sa religion ailleurs. De même, il y a la hijra du pays de la bid'a au pays de la sunna. Donc le pays dans lequel la bid'a est présente. Et le cheikh hafidhullah donne l'exemple de le cheikh al-Khiraqi, qui était un grand savant du madhhab al-Hanbali, qui est un grand maintenant un texte sur le fiqh al-Hanbali qui a été expliqué par Ibn Qudamah al-Maqdisi dans son livre magnifique Al-Mughni. Qui dit qu'il est parti donc de l'Irak parce que les Sahaba étaient insultés là-bas. Donc il vivait en Irak et lorsque certaines sectes et certains individus ont commencé à insulter les Sahaba radiyallahu anhum, il est parti. Et le délil de la hijra donc du pays dans lequel les Sahaba sont insultés ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. Et si jamais tu vois donc les gens se disputer, diverger, faire preuve de futilité dans nos versets, détourne-toi d'eux jusqu'à ce que donc ils polémiquent sur une autre parole. Donc ça c'est au niveau du nasis, mais aussi au niveau d'un territoire. Ibn al-Arabi, rahmatullah alayhi, a rapporté, donc dans Ahkam al-Qur'an, Ibn al-Arabi, c'est un grand savant du madhhab maliki, qui a un tafsir, Ahkam al-Qur'an, il a dit que Ibn al-Qasim a rapporté que Malik a dit, l'imam Malik a dit, rahimahullah, la yahillu li ahadin an yuqima bi baladin subba fiha al-Sahaba. Il n'est pas licite, il est interdit pour quelqu'un de vivre dans un pays dans lequel les Sahaba sont insultés. Donc ça, ce sont trois grands types de hijra. La hijra du pays du shirk vers le pays de l'islam, le pays de la bid'a vers le pays de la sunna, le pays de la peur et de la persécution vers le pays de la sécurité. Et donc la base, c'est que c'est obligatoire si jamais on ne peut pas extérioriser sa religion. Si je peux extérioriser ma religion, ça reste recommandé. Quand même de partir d'un pays donc dont la gouvernance est mécréante, pour partir dans un pays musulman. Et notamment, même si les deux pays sont mécréants, c'est toujours mieux de vivre. Donc si les deux systèmes sont mécréants, c'est toujours mieux de vivre dans une majorité populaire musulmane, même avec un système mécréant, comme c'est le cas dans des pays aujourd'hui, que de vivre sous une gouvernance mécréante, mais dans une minorité musulmane, comme c'est notre cas ici. والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. Donc la hijra est une obligation pour cette communauté du pays du shirk vers le pays de l'islam. وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. Donc et la hijra, donc elle est jusqu'à يوم القيامة légiférée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. La hijra ne s'arrête pas jusqu'à ce que s'arrêtera la tauba. Et la tauba ne s'arrêtera pas jusqu'à ce que le soleil se lève donc du côté d'où il se couche. Donc la tawba, c'est quelque chose qui est existant pour tout le temps. Ce n'est pas quelque chose, comme certains le pensent, qui est désormais abrogé depuis la victoire de la Mecque et qui n'est plus légiféré. Et la preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِ أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِي مَا كُنْتُمْ. Ceux donc, que les anges récupèrent, donc, dont les âmes sont récupérées, alors qu'ils sont injustes envers eux-mêmes. Ils disent, donc, dans quoi est-ce que vous étiez? Dans quelle situation étiez-vous? قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ. Ils disent, nous étions en état de faiblesse sur terre. C'est-à-dire, nous ne pouvions pas pratiquer notre religion. قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا. Donc les anges disent, mais est-ce que la terre d'Allah n'était pas large? Et donc, vous pouviez faire l'hijra afin que vous fassiez l'hijra, la hijra. فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ. Et cela, leur point de retour est la géhenne. Et Allah ne châtie pas pour le délaissement d'une recommandation, mais pour le délaissement d'une obligation. وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Et quel mauvais point de retour. Donc la hijra ici, le délaissement d'une hijra obligatoire induit un châtiment éventuel de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pas le kufr, il n'est pas dit que là c'est une c'est un châtiment éternel. Illa, sauf Allah subhanahu wa ta'ala fait exception. Parmi ces gens-là donc, qui ont été injustes envers eux-mêmes. Ce verset dit qu'il y a une catégorie de gens qui ont été injustes envers eux-mêmes. Comment? En restant parmi les mécréants, tout en étant en position de faiblesse et ne pouvant pas extérioriser leur religion. Et ils sont morts dans cet état. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit par rapport à ces gens-là, « Anabari un mimman yuqimu bayna adhuril mushrikin. » Je me désavoue de celui qui vit parmi les associateurs. Et il a dit ça après avoir donc vu des gens étant morts à la Mecque. Après que la hijra ait été ordonnée, des gens sont morts à la Mecque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est désavoué d'eux. Et ils avaient la capacité donc de faire l'hijra, notamment parce que Médine était ouverte et elle accueillait les musulmans. Allah dit sauf, donc parmi ces gens qui n'ont pas pu vraiment faire l'hijra, donc sauf illa al-mustad'afina min ar-rijali wan-nisa'i wal-wildan, sauf donc vraiment les faibles, les incapables parmi les hommes, les femmes et les enfants, la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Donc ils ne peuvent pas faire leur hijra, فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ. Cela, certainement, Allah leur pardonnera, وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًا غَفُورًا. Et Allah est pardonnateur, subhanahu wa ta'ala. Donc Allah fait exception des gens qui ne peuvent pas. Dans le pays dans lequel ils ne peuvent pas extérioriser leur religion. Si jamais ils peuvent extérioriser leur religion, ceci devient recommandé. Mais il n'y a pas péché si la personne reste, mais avec des conditions que Cheikh Al-Uthaymeen va donc ici nous citer en disant, donc, نَذْكُرُهُنَا حُكْمَ السَّفَرِ إِلَى بِلَدِ الْكُفْرِ. Le Cheikh va nous développer les conditions pour pouvoir voyager, il dit. Donc, si c'est simplement voyager de manière encore plus prioritaire pour pouvoir vivre ici, donc dans un pays de mécréance. Il dit, nous allons donner les règles du voyage dans un pays mécréant. فَنَقُولُ السَّفَرُ إِلَى بِلَدِ الْكُفَّارِ لَا يَجُوزُ. لا يجوز إلا بثلاثة شروط. Le voyage donc vers un pays mécréant, dans un pays mécréant, est interdit sauf avec trois conditions. الشرط الأول أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات. Le premier, c'est que cette personne qui va voyager possède donc une science par laquelle il va réfuter les ambiguïtés qui vont lui parvenir. Et ça, c'est la première condition, elle est extrêmement importante, et notamment pour des gens coupés de la culture actuelle européenne, ou bien américaine ou mécréante. Et ça, on le voit, on le remarque, que les gens qui viennent des pays étrangers, notamment avant que la mondialisation et la généralisation de la télé d'Internet, exportent la culture des mécréants dans leur domicile. Les gens sont souvent épatés. Et ça, on le remarque, vous qui êtes allés sûrement au Maghreb, vous avez vu comment vos cousins et cousines sont époustouflés de voir que vous avez eu l'honneur et la chance de pouvoir vivre en Europe, et ils auraient donné tout ce qui leur est possible pour pouvoir être à votre place. Donc il y a une admiration, souvent par des musulmans faibles dans leur foi, de la culture occidentale mécréante, car elle se positionne aujourd'hui en tant que culture référentielle. Donc une personne venant dans un tel pays, n'étant pas dotée, armée d'un ilm, risque très probablement donc de quitter le droit chemin. Et il y a eu des gens comme ça. hein, les très grands prêcheurs de l'égarement, Taha Hussein et d'autres, qui ont été une cause de destruction de la Aqida en Égypte, ce sont des gens qui ont étudié ici, à Paris, hein, et qui ont été en contact avec les laïcs, les démocrates, et qui n'étaient pas des gens de Aqida. Et lorsqu'ils se sont frottés aux philosophes, et notamment ici, il y a un art de parler un peu hautain, hein, comme quoi on est les meilleurs, et ben ces gens-là, avec leur complexe un peu arabe, de musulmans, hein, soi-disant taxés d'archaïques et qui ne sont pas au rendez-vous de la modernité, ben ils sont venus là, ils sont revenus mécréants apostats dans leur pays. Hein, Taha Hussein disait que les musulmans ne réussiront jamais tant qu'ils ne marcheront pas devant, derrière l'Occident, pas à pas. Il disait ça dans ses écrits. Donc notre sujet, c'était le voyage dans le pays du Kufr. Donc, al-ilm, premier chart, c'est al-ilm qui est extrêmement importante. Le deuxième, an yakuna indahu din yamna'uhu min ash-shahawat. Le deuxième, c'est qu'il ait un niveau religieux, donc de foi, lui permettant donc de repousser les shahawat. S'il n'a pas un fort iman, il peut rapidement dévier. Troisième condition, an yakuna muhtajan ila dhalik. Qu'il soit dans le besoin du voyage dans le pays mécréant. Donc ici, Cheikh Al-Uthaymin, rahmatullah alayhi, dit que les raisons, par exemple, d'un voyage dans un pays mécréant, donc le besoin, il dit par exemple comme le fait de se soigner. Ça, il n'y a aucun doute que c'est un besoin. Notamment par rapport au pays là voisinant, où la médecine est catastrophique, inhumaine et injuste comme ce n'est pas permis. Donc dans ce type de pays, si quelqu'un a une maladie et la possibilité de venir se soigner là, il n'y a aucun doute que ça lui est permis. Ou bien il dit aussi pour obtenir une science qui n'est pas existante dans le pays musulman. Donc il dit donc pour aller se soigner, obtenir une science qui n'est pas présente là-bas. Donc ça peut être une science diverse. Quelqu'un doit étudier le nucléaire, il n'y a pas le niveau dans le pays musulman, ou l'électricité ou quoi que ce soit. Ou bien aussi pour étudier leur civilisation et leurs égarements, pour pouvoir s'armer et ensuite défendre l'islam et aussi critiquer leur civilisation, ça c'est permis. Il dit quant au fait d'aller là-bas donc pour les vacances, ça ce n'est pas permis. Donc il dit al-iqamat. Alors il a parlé du voyage et là il parle de la résidence dans un pays mécréant. On finit bi-iznillah azawaj. Il dit la résidence dans un pays mécréant, il dit il faut obligatoirement deux conditions pour pouvoir vivre dans un pays musulman. Donc chacun se pose la question. Est-ce qu'il a ces deux conditions-là et s'il ne les a pas, qu'il fasse l'effort de les avoir, non pas pour pouvoir rester, hein, mais du moins pour légitimer sa résidence le temps qu'il puisse partir bi-iznillah azawaj. Première donc condition, il dit donc la sécurité pour celui qui est résident, et ceci par le fait qu'il est de la science et de la foi. Donc c'est les deux premières conditions qui avaient été citées dans le voyage en direction vers un pays mécréant. Donc la première condition, que la personne ait de la science et de la foi, donc la science pour réfuter les ambiguïtés et la foi pour réfuter, se détourner des shahawat, des passions. Il dit « wa quwwatul azima », il faut qu'il ait une forte détermination. Donc il faut qu'il ait une forte détermination par laquelle il est tranquille par rapport à sa fermeté sur la religion et le détournement donc de la déviation, et il est dans la sécurité, il sent que inshallah il ne va pas dévier par rapport aux tentations qui vont l'entourer. Wa an yakuna mudmiran li adawati al-kafirin وبغضهم ومبتعدا عن موالاتهم ومحبتهم. Il a dit et il faut qu'il intériorise donc l'animosité envers les mécréants et la haine de ces gens-là, et qu'il se détourne, que ce soit quelqu'un qui s'éloigne donc de l'amitié avec ces gens-là, l'amour et de l'alliance. Il dit فإن موالاتهم ومحبتهم مما ينافي الإيمان بالله. Il dit car leur amour, l'alliance et l'amour de ces gens-là, c'est quelque chose qui donc réfute, annule le iman. Il a porté ensuite le verset que vous connaissez, la tajidu qawman, tu ne trouveras pas un peuple, etc. Vous connaissez le verset, il a été cité précédemment. Il dit, puis il continue ensuite, mais je résume. Deuxième condition, an yakuna an yatamakkana min idhari dinihi, et qu'il puisse extérioriser donc sa religion de manière à ce qu'il mette en place donc les législations musulmanes et qu'il les pratiques musulmanes biduni mani' sans empêchement. Fala yumna'u min iqamati as-salah, il n'est pas empêché de faire sa prière wal-jumu'a wal-jama'at, et de prier en groupe. In kana ma'ahu man yusalli jama'atan wa man yuqim al-jumu'a, s'il y a quelqu'un avec lui pour faire la prière en groupe et faire salat al-jumu'a. Wa la yumna'u min az-zaka, il n'est pas interdit donc de donner la zakat wa as-siyam wa al-hajj wa ghayriha min sha'a'ir ad-din, et autres donc législation musulmane. Fa in kana la yatamakkanu min dhalik lam tajuz al-iqamatu li wujub al-hijrati hina idhin, s'il ne peut pas extérioriser sa religion, alors l'iqama devient interdite et la hijra devient donc obligatoire. Il dit ensuite, une fois que ces deux conditions sont concrétisées, il dit donc la résidence dans un pays mécréant est divisée en plusieurs parties. La première, an yuqima lid-da'wa ila al-islam wa at-targhib fihi, fa hadha naw'un min al-jihad fa hiya fardhu kifayatin 'ala man qadira 'alayha. 'Ala man qadira 'alayha. Il dit qu'il réside donc pour la da'wa à l'islam bien sûr. Et la motivation à celui-ci, il dit ceci, donc est un type de jihad, qui est donc une obligation communautaire pour celui qui le peut. Donc il y a une science et qui peut faire cela. Il dit, à condition que la da'wa soit vraiment donc concrète. Ben, il dit, je suis là pour la da'wa, il ne fait pas da'wa. Et qu'il n'y ait personne qui empêche de faire cette da'wa-là. Ou min al-istijabati, ou min al-istijabati ilayha. Ou bien qu'il n'y ait pas aussi qu'un empêchement de répondre à cette da'wa. On te laisse faire da'wa, mais on ne laisse pas les gens donc suivre ta da'wa. لأن الدعوة إلى الإسلام من واجبات الدين وهي طريقة المرسلين وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه في كل زمان ومكان فقال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. Il dit car la da'wa, donc à l'islam, est une obligation religieuse et c'est le chemin des prophètes, alayhumu salatu wa salam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de transmettre donc ce que lui-même a transmis dans tout endroit et époque. Il l'a dit, transmettez de moi, ne serait-ce qu'un verset. Deuxième type donc de résidence dans un pays mécréant, il dit an yuqima li dirasatin, an yuqima li dirasati ahwal al kafirin wa ta'arruf 'ala ma hum 'alayhi min fasad al aqidah wa butlan al ta'abbud wa inhilal al akhlaq. Il dit qu'il réside afin d'étudier donc la situation des mécréants et connaître donc leur situation précise, leur mauvaise croyance, ainsi que leur mauvaise adoration et la déviation de leurs mœurs, ainsi que de leur comportement, etc., afin de pouvoir mettre en garde les gens et que ceux-ci ne soient pas donc satisfaits, ébahis, étonnés, épatés par donc cette civilisation-là. Troisième catégorie, qu'il soit résident pour un besoin en lien avec donc un gouvernement musulman et organiser les liens entre ces deux pays-là. Car tout lien, nous avons vu, l'alliance, ce n'est pas toute alliance qui est mécréant, qui est une mécréance sortant de l'islam. D'ailleurs, ceci ne rentre même pas dans l'alliance. Ça va rentrer dans la mu'amala permise. Il y a par exemple comme les ambassadeurs ou autres, ou les gens qui sont envoyés par les pays, par exemple, pour des enseignements, pour la prêche ou autre. Il dit quatrième catégorie, il dit qu'il soit résident donc pour un besoin spécifique permis, comme le commerce ou bien se soigner. Il dit ceci est permis en fonction du besoin. Une fois que le besoin donc est terminé, a été comblé, il doit repartir. Il dit cinquième catégorie, c'est qu'il réside pour les études. Et il dit ça fait partie donc du besoin précédent. Et on a parlé de ça tout à l'heure. Donc Cheikh Mohamed ibn Abdel Wahhab dit, je finis donc bi hawlillahi azza wa jal son texte. Dis-moi ce asl. Il rapporte un autre dalil concernant la hijra, il dit wa qawluhu ta'ala ya ibadi alladhina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Oh mes serviteurs qui ont cru. Inna ardi wasi'a, c'est un verset magnifique. Ma terre est large et vaste. Fa iyaya fa'budun, n'adorez donc que moi. Qala al-Barawi rahimahullah a dit sababu nuzuli hadhihi al-ayah fi al-muslimin alladhina fi Makkah lam yuhajiru nadahum Allah bismi al-iman. La cause de la descente de ce verset là, il dit c'est des musulmans qui sont restés à la Mecque et qui n'ont pas fait la hijra, Allah les a interpellés en les qualifiant de croyants. Ce qui veut dire que le délaissement de la hijra n'induit pas le kufr, mais que c'est quelque chose de grave. Mais c'est un péché, notamment lorsqu'elle est obligatoire, bien sûr. وَالدَّلِيلُ عَلَى الْهِجْرَةِ مِنَ السُنَّةِ وَالدَّلِيلُ عَلَى الْهِجْرَةِ مِنَ السُنَّةِ Et la preuve, donc, concernant la hijra de la sunna, c'est لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَة La hijra ne s'arrêtera pas jusqu'à ce que s'arrête la tawba. Et la tawba ne s'arrêtera pas jusqu'à ce que le soleil se lève, donc du côté où il se couche, du Maghrib. فلما استقر في المدينه lorsque le prophète alayhi salatu wa salam s'installa à Médine il lui fut ordonné le reste des législations comme la zakat le jeûne al hajj al adhan et le jihad ordonner le bien interdire le mal et wa ghayri dhalika min shara'i' al islam et ainsi que le reste des législations akhadha ala hadha 10 sinin il a fait ceci pendant 10 ans Donc, pendant 10 ans, le prophète, alayhi salatu wa salam, ensuite, donc, a appelé aussi à cette législation-là. Est-ce que ça veut dire qu'il a fait le tawhid 13 ans et ensuite 10 ans la salat et le jeûne, le jihad, ordonner le bien, interdire le mal, et il a délaissé le tawhid qu'il a fait pendant les premières années à la Mecque? Est-ce que ça veut dire cela? Non, ça ne veut pas dire cela. Donc, ce ne sont pas deux domaines qui sont indépendants les uns des autres. Il a fait au début que le tawhid et lorsque la législation est descendu en termes de prière, etc. Il a continué le tawhid. C'est pour ça qu'à la fin, durant ses derniers souffles, il dit « La'ana Allahu al-Yahuda wa al-Nasara » qu'Allah maudisse les juifs et les chrétiens. « Ittakhadu qubura anbiya'ihim masajid » Ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme des lieux de prière. Ce qui est en lien avec tawhid al-ilahiyya, tawhid al-uluhiyya. Alors que c'est les derniers moments de sa vie. Donc le tawhid, la da'a au tawhid, a donc perduré même après la descente des législations. De la législation. Concernant la prière et autres. Il dit, وَبَعْدَهَا تُوفِيَا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ تُوفِيَا صَلَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ Puis il est mort, صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ Donc le prophète, عَلَيْهِ صَلَاتُ وَسَلَمْ est mort et c'est une obligation de croire en cela. Celui qui croit qu'il est encore vivant aujourd'hui, présent dans ce bas monde-là, hein, ceci est interdit et c'est de la mécréance car c'est démentir le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, إِنَّكَ مَيِّتْ quelqu'un qui est mort wa innaka mayitun al-ijma' de la umma tout le monde est d'accord sur le fait que le prophète alayhi salatu wa salam est mort les hadiths sont rapportés sont nombreux sur sa mort il y a un ijma' un consensus de la umma sans aucune divergence que le prophète alayhi salatu wa salam est enterré à l'endroit de la tombe où il est présent en ce moment à Médine on n'a pas de doute là-dessus et Ibrahim selon l'avis le plus authentique il est à Madinat Khalil Hébron actuellement même s'il y a divergence, et en dehors de ces deux tombes-là, il n'y a aucune tombe hein, que l'on confirme comme étant une tombe d'un prophète. Il dit « وَدِينُهُ بَاقْ » et sa religion, elle est toujours là, elle est toujours présente. « وَهَذَا دِينُهُ » et ceci est sa religion. Donc ceci est sa religion. « التَّوْحِيد » « الْكُفْرُ بِالطَّاغُوت » « نَبْذُ الشِّرْك » le délaissement du shirk, « التَّوْحِيد » ça c'est sa religion. « إِقَامَةُ الصَّلَاةِ » Mahabbatul Mu'minin, l'amour des musulmans, Bourdul Kafirin, détester le kufr et les kuffar, telle est sa religion. Ce qui a été expliqué précédemment par Cheikh Abdul Wahhab, Mohammed ibn Abdul Wahhab, ceci est la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La khaira illa dalla al-ummata alayhi. Il n'y a pas un bien sans qu'il l'ait montré à sa communauté. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a pas de doute là-dessus. Wa la sharra illa haddaraha min. Il y a de nombreux hadiths. À ce sujet-là, des compagnons, radiyallahu anhum, nous n'avons pas trop le temps, vu l'heure de les citer. وَالْخَيْرُ الَّذِي دَلَّهَا عَلَيْهِ Et le bien qu'il a montré, التوحيد, le tawhid. Regardez comment le shir insiste, hein, car c'est le cœur de notre religion. التوحيد, وَجَمِعُ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَهُ Et tout ce que Allah aime et agrée. Ce qui est la définition de la ibadah. Donc tout ce que Allah aime et agrée intérieurement et extérieurement. وَشَرُ الَّذِي حَذَّرَهَا مِنْهِ Et le mal contre lequel il a mis en garde est shirk. Donc, est shirk, l'associationnisme. وَجَمِيعُ مَا يَكْرَهُ اللَّهُ وَيَأْبَهُ Et tout ce que Allah déteste et refuse, qui sont donc les péchés. بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ كَافَهُ Allah l'a envoyé à toute l'humanité. Ça aussi, c'est une obligation. Il n'y a pas authentification de la shahada sans ceci. Comme nous avons lu les paroles de Al-Qadi Iyad, celui qui dit que le prophète alayhi salatu wa salam a été envoyé de manière restreinte, spécifique aux Arabes et non pas à toute l'humanité, kafar, n'est pas musulman. وَافْتَرَدَ طَاعَتَهُ عَلَى جَمِعِ الثَّقَلَيْنِ. Et Allah a rendu obligatoire son obéissance aux thaqalayn, qui sont al-jinn wal-ins, à tous les génies et à tous les humains. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ. Et le dalil prouvant cela dit: ô gens, inni rasulullahi ilaykum jami'a, je suis le messager d'Allah à vous tous. Surat al-A'raf, verset 158. وَكَمَّلَ اللَّهُ بِهِ الدِّينِ. Et Allah a complété, donc par le prophète alayhi salatu wa salam, ad-din. Donc ad-din dans ce sens-là, c'est de l'envoi du prophète Adam alayhi salam jusqu'au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a complété la religion. Donc le din d'Allah subhanahu wa ta'ala est complet en termes de aqidah et de législation, et rien ne peut être ajouté au din de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wad-dalilu qawluhu ta'ala. Et le dalil, la parole d'Allah Ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai complété, donc pour vous, votre religion. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Et j'ai parachevé sur vous, donc mon bienfait. Wa raditu lakum al-islam dina. Et j'ai agréé pour vous, comme religion, l'islam. Allahu Akbar, hadhi aya azima, elle est descendue un vendredi. Alors que le prophète alayhi salatu wa salam, il était sur le mont Arafat le jour de Arafat. Un juif est venu voir Omar ibn al-Khattab, il a dit: vous avez un verset que s'il était descendu comme il est descendu pour vous, pour nous, on aurait pris cette journée-là comme une fête. Il a dit: Omar, quel est ce verset-là? Ils ont dit le verset Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Et Omar, il a dit: par Allah, je sais où est descendu ce verset et sur qui est descendu ce verset et quand est descendu ce verset. Il est descendu sur Mohammed alayhi salatu wassalam alors qu'il était sur la montagne de Arafat le jour de Arafat. Même les juifs connaissaient le sens de l'importance de ce verset-là. Et c'est un verset qui a un fondement dans la réfutation de la bid'a. Et l'imam Malik utilisait ce verset-là. Lorsqu'il dit, il dit: من زعم أن محمدا من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن الرسول أو أن محمدا خان الرسالة قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. Et il récitait ce verset. L'imam Malik disait: celui qui prétend que dans l'islam il y a une bonne innovation, il a donc prétendu que le prophète donc a trahi le message, car Allah a dit: aujourd'hui j'ai parachevé votre religion. والدليل على موته. Et donc la preuve de sa mort, قوله تعالى إنك ميت, tu es mort, وإنهم ميتون, donc tu mourras et ils mourront. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. Puis vous tous يوم القيامة, auprès de votre Seigneur, donc vous vous disputerez. طيب نكتفي إن شاء الله بهذا. On a fini donc le asl thalith, le troisième fondement, qui était la connaissance du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, même si on l'a expliqué un peu de manière succincte, mais je motive mes frères donc inshallah à développer un peu cela en lisant la sirah du prophète alayhi salatu wassalam. La sirah du prophète alayhi salatu wassalam, notamment aujourd'hui, il y a eu la traduction du Nectar Cacheté. Vous savez qu'il y a une très belle sirah, une belle biographie, et vous pouvez facilement l'acheter. Elle a reçu l'éloge de beaucoup de savant, Safiur Rahman, Cheikh Safiur Rahman al-Mubarak Fouri, qui était un indien de la madrasa al-Hadith, quelqu'un qui est sur la madrasa des gens du Hadith, donc a écrit cette belle sirah, elle est traduite. Aujourd'hui, il faut essayer, bihaoulillah azzawajal, essayer de l'étudier, Inch'Allah, pour pouvoir un peu approfondir la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.